On va parler de décaquer avec notre ami Charles Tremblay. Salut Charles! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Charles, avant de parler de décaquer, j'aimerais que parler un peu de ta saison, faire un peu le bilan de ta saison, ton avenir également. Comment ça a été? Ah, écoute, ça a été spécial, je te dirais, pour tout le monde. C'est une année qui a été super spéciale. Pour nous aussi, les joueurs d'hockey, dans les bulles, etc., dans la Ligue junior majeure, ça a été difficile par moment, mais écoute, on est content là, d'avoir pu jouer au hockey. OK. Est-ce que je parlais avec Fabrice Fortin la semaine passée des Saguenay, je faisais son bilan un peu. Est-ce que c'était dur pour les joueurs de garder le focus? Ben, c'est sûr que c'est surtout de garder le rythme, je te dirais, parce que tu sais, habituellement, on est habitué de jouer, mettons, 3-4 games dans la semaine, Ouais. puis au travers de ça, quelques pratiques, tandis que là, c'était différent. C'était comme on était 2 semaines à pratiquer à chaque jour ultra intense, après ça, 2 semaines sans pratiquer et à seulement jouer. Donc, c'était vraiment différent, là, je te dirais. Ok. Sans spectateur? Non, sans spectateur, c'est ça. Comment t'as trouvé ça sans Ça a été. spectateur? Ah, c'est spécial, là, je te dirais. Il manque d'ambiance dans l'aréna. T'es habitué de voir tes parents, t'es habitué de voir ta blonde, t'es habitué de voir du monde dans les estrades, puis que tu te retrouves avec personne, ça fait vraiment vide, là, je te dirais, comme ambiance. Mais écoute, tu t'adaptes, là. C'est sûr que tu t'adaptes. Dis-moi, là, il se passe quoi avec toi, là? Là, t'as 19 ans, c'est ça? 20 ans? 20 ans, ouais, 20 ans exact. Là, il arrive quoi avec toi? Est-ce que là, c'est terminé pour le stage junior? L'université peut-être? Le circuit universitaire? Ouais, circuit universitaire, là, exact. Circuit universitaire, j'ai signé à Concordia. OK. Et puis, c'est là que je vais probablement poursuivre là, ma carrière. OK. Concordia, il y avait-tu plusieurs propositions? Il y avait-tu plusieurs offres également? Oui, ben, il y avait d'autres universités qui étaient très intéressées aussi, c'est certain. Mais écoute, ce qui a fait en sorte que j'ai choisi l'équipe de l'organisation Concordia, c'est que je connais déjà des joueurs qui sont là-bas avec qui j'ai joué à Chicoutimi. Je parle de Jérémy Diotte, je parle de Vincent Lapalme. OK. Puis aussi, j'avais une belle relation avec l'entraîneur et puis il y avait un super bon programme là, de business que je voulais aller. Donc, c'est ça. OK. Dis-moi si on parlait un peu de la PAM, c'est lui qui était avec toi dans Junior 3A. C'est avec lui que tu faisais la pluie puis le beau temps, si je me rappelle bien. Non, c'est la framboise, ça. Ah, la La framboise, OK. framboise. Oui, ça, c'est un de mes amis. Lui, il vient de signer en France, Division 2, là. OK. Toi, Ici, c'est. avec les Ouais, joueurs de OK, Rouen. parce que la pomme puis la framboise, ça ressemblait pas mal. Fait C'est que. ça. OK. Là, il arrive quoi avec toi? Fait que là, tu t'en vas avec Concordia. T'as-tu des bonnes chances de faire partie de l'équipe? T'as-tu sûrement? Oui, logiquement, là, je devrais faire partie de l'équipe l'année prochaine, là, sans trop de difficultés. Par la suite, on sait que le calibre, là, il est très relevé là-bas, donc ça va être à moi de faire ma place, là, puis de gagner mon temps de jeu, là. C'est une ligue qui progresse, je pense, hein? Oui, vraiment, je te dirais que c'est une ligue qui progresse énormément. C'est une ligue qui est méconnue, je te dirais, des gens, des amateurs, parce que ben, c'est pas super médiatisé, etc., mais le Non. calibre de jeu est plus élevé que junior majeur encore. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui sort du junior majeur qui est capable de jouer U Sports. Ça, c'est très relevé comme calibre. Savez-vous s'il va y avoir une saison, sûrement? Ben, on souhaite, écoute, Ouais. comme tout le monde, on est un peu dans le néant de ce côté-là, mais on le souhaite. OK. Là, on va parler de décaquer parce que tu sais que tu es dans le décaquer, tu t'occupes du décaquer, tu es gérant de là-bas. C'est-tu moi ou c'est, ça va grossir pas mal cette année, là? Il y a comme une nouvelle association Oui. ouais, avec Dolbeau, Saint-Prime sont maintenant rendus ensemble, c'est ça? Exactement, c'est ça, par le fait des propriétaires. Dans le fond, écoute, c'est les mêmes propriétaires, les mêmes investisseurs qui ont désormais les Donc, centres de décroquer au. Jean Lapierre est plus là-dedans, c'est ça? Non, c'est ça, Jean-Lapierre est plus là-dedans, Alexandre Dufresne n'est plus là-dedans non plus. C'est rendu le même groupe d'investisseurs qui a entre autres Alex Burrows, l'entraîneur Ah, adjoint du Canadien de Montréal, qui est là-dedans. Ensuite de ça, Patrice Ducharme, puis des gens bien connus comme Éric Simard et Yoann Gagné dans le monde du décathlon, là. OK. Là, comment tu t'attends d'avoir d'équipe? Comment tu t'attends? Là, c'est sûr que là, j'imagine qu'avec encore les maudites règles, ça va. Ça change, mais j'ai cru voir qu'il n'y aurait pas de décoquer au Saguenay cette année. Donc, Oui, c'est les vrai, joueurs de au décoquer Saguenay, on est plus des places. qui veulent jouer, j'imagine qu'il y a une place, c'est Saint-Félix-au-Dolbeau. Exact. Sinon, il y a aussi le centre à Héberville, Alma, c'est dans ce coin-là. Mais OK. nous, cette année, on a 25 équipes pour commencer la saison. L'année Et passée, comment vous puis, aviez? On a 21, si je ne me trompe pas, donc 25. Donc okay. C'est un gain de 4 équipes, malgré la COVID, qui a rendu beaucoup de gens un petit peu, méfiants, je te dirais. Et puis, on a un record au niveau des jeunes aussi. On est maintenant à 125 jeunes joueurs de deck hockey qui vont venir s'amuser là, au centre de deck à Saint-Prime toute l'été. Là. OK. Il va-t-il y avoir des tournois? Est-ce que je sais qu'il y avait un nomignon de Samuel Girard en 2019. Je pense que Samuel était là-dedans, si je me rappelle bien. Oui, Sam était là-dedans. Écoute, on essaye de voir avec le gouvernement qu'est-ce qui va être permis, qu'est-ce qui ne sera pas permis. Mais en ce moment, je te dirais oui, notre objectif c'est d'avoir des tournois, mais on ne pourra pas prendre des décisions avant le coup. Là. OK, OK. Est-ce que c'est commencé maintenant? Est-ce que c'est. C'est commencé. Ben, ça commence lundi matin. OK. Lundi, la semaine prochaine, on commence ça là, jusqu'à fin juillet sans arrêter. OK. Puis après ça, va-t-il en avoir? Au mois d'août, va-t-il avoir quelque chose? Pour le moment, on ne sait pas encore. On va regarder ce qu'on va faire de ce côté-là. Puis on va prendre une décision en temps et lieu, je te dirais. OK. Ben, Charles, un gros merci. Au plaisir de se parler. Merci beaucoup, Danny. Bonne Charles soirée. Charles Tremblay, qui a joué pour l'équipe du junior l'an dernier.